où on va littéralement s'éclater et on essaiera de ramasser les morceaux à minuit. Pourquoi? Parce que bon, c'est la première fois qu'on a une émission de 3 heures. Je pense que Eric ne contredira pas. 3 heures de progressif et alors, ça fait une petite semaine où je vous ai concocté un programme. Attention les yeux, attention les oreilles, préparez les cassettes. Je ne vis que ça. Alors très rapidement. On va aller au Mexique avec un groupe mexicain, Iconoclasta. On va aller en Allemagne. On aura un inédit d'Ange, un inédit de Genesis, époque Peter Gabriel, s'il vous plaît. On aura également Step Ahead, un groupe français qui va être qui a été réédité au Japon récemment. Koda, groupe hollandais. Cover d'Air et Renaissance. Ella Craig, un groupe autrichien. Deux groupes français, Memorial Spantacle, Strobes, Star et si vous êtes sage, Iskander. Alors voyez, il y a de quoi faire. Il y a de très belles choses de tous les styles, que ce soit du néo-planant, du néo-hard, du néo-psychédélique ou du néo-new wave. On reviendra là-dessus, sur toutes les influences du rock progressif, puisque c'est un thème qui m'est cher. Mais donc, tout de suite, on va enclencher avec Iconoclasta. Iconoclasta, c'est un groupe mexicain qui a sorti deux albums. On va écouter un extrait du deuxième album qui est distribué par Musea. Parenthèse, et je la referme très rapidement. Deuxième album donc de ce groupe mexicain, Reminiscencias, donc les souvenirs, les. Oui c'est ça, les souvenirs. Réminiscence de souvenirs. Ouais. Hein, donc de 85. Et le titre qui est uniquement instrumental, d'ailleurs l'album lui-même est uniquement instrumental, El Hombre sobre la Tierra, c'est-à-dire donc l'homme sur la terre. C'est très bien, en fait, on n'a même plus besoin de traduction, c'est pratiquement tel quel dans le texte. On va se retrouver donc tout de suite après la musique. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Bande à part, l'émission de rock progressif qui exceptionnellement commence une heure plus tôt et qui en fait va durer en tout 2 heures plus 1 heure, ça fait bien si je ne me trompe pas. On se retrouvera donc jusqu'à minuit pour de la musique, de la musique et de la musique. Thank you. Thank you. torchon. Et vas-y, de la pub. Hein. Encore un prospectus. Tout juste bon comme papier WC, ouais. Mais non, regarde, c'est Teddy Magazine. Teddy Magazine, tellement pratique pour l'étudiant qu'il a plus d'intérêt à le lire qu'à s'écorcher les fesses avec. Dès février, Teddy Magazine, le plus jeune des gratuits, fera l'information des étudiants comme des lycéens. La première surprise de la soirée, puisque c'était pas prévu, c'était pas annoncé, PFM, groupe italien majeur pivot des années 70, et qui existe encore, qui a sorti un album récemment, au début des années 80. Voilà. Je crois qu'Eric a une petite, un petit quelque chose à nous dire là. Voilà, à propos de PFM, ça fait une transition un peu hasardeuse sur la FM. Vous êtes actuellement en train d'écouter Radio Brume 95.5 FM. Radio étudiante de la région lyonnaise. Et puis pour les gens qui seraient un peu étonnés par la musique qu'on passe ce soir, ne quittez pas, c'est quelque chose de tout à fait original, il faut le dire, on n'a pas l'occasion de l'entendre. C'est un horaire plutôt, donc a priori, de plus grande écoute. Alors profitez-en pour une fois, vous venez peut-être de découvrir l'émission qui vous fera plaisir encore longtemps, le rock progressif. Normalement, c'est donc le mardi de 22h à 24h, ça s'appelle Bande à part. Et je rappelle le numéro pour les gens qui seraient intéressés et qui ne connaissent pas encore, c'est le 78 89 45 05. Des roses noires bordées de dentelles d'argent, sous une lune brisée, 10 millions d'étoiles et le murmure harmonieux des feuilles, c'est ce que nous étions. Près d'une fontaine asséchée gisent 5 volumes poussiéreux, avec des images collées et fanées, de la rêverie amoureuse. En travers de chaque couverture est écrit « Dans ce livre se trouvent des photos d'esprit, d'esprit, d'esprit ». Des jours où nous courions et des jours où nous chantions. Ce que je viens de vous lire, c'est tout simplement la traduction de ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire Photo of Ghost, donc un morceau de PFM, groupe italien, qui a été écrit par un écrivain, et j'ai pas peur du terme, un écrivain majeur du rock progressif, et même un poète à part entière, puisque c'est Peter Sinfield. Pour les amateurs d'émission, on a déjà lu ce texte, mais on n'avait pas écouté le morceau qui va avec. Donc je pense que c'est intéressant de voir un petit peu ce qui est raconté sous les notes. Cet extrait, donc, pour faire un petit peu de publicité, de poésie progressive, un numéro spécial de la revue Aube, que les auditeurs de cette tranche horaire connaissent bien, puisque c'est une revue de poésie qui existe depuis 79, qui, contre vent et marée, persiste et signe, un peu comme Bande à part d'ailleurs, qui dès l'origine a eu une chronique de rock, qui est devenue très rapidement du rock progressif, mais aussi qui s'est tournée vers la bande dessinée et vers plein d'autres choses ouvertes et j'allais dire bizarres. Oui, parce que le parti pris de Aube, ça a toujours été de raisonner en termes de poésie, mais poésie au sens large, c'est-à-dire comme façon de penser, de vivre, de créer, non pas comme façon uniquement d'écrire. D'où des textes en prose, d'où des contes, des nouvelles, d'où de la BD, d'où une rubrique de rock, d'où une rubrique Orient-Occident. Enfin, on vous en a parlé déjà pas mal sur ces antennes, notamment avec Thierry Renard qui est venu il n'y a pas si longtemps. Voilà donc pour faire une petite transition et puis ne pas être trop effrayé les fidèles de l'émission de poésie. Et je pense que si Eric est d'accord, je vais lire très rapidement le même texte mais en anglais pour ceux qui le comprennent. Et en plus c'est intéressant parce que bon, la traduction ne peut pas toujours rendre les effets poétiques. Et deuxièmement parce que bon, il faut le reconnaître un peu, PFM est un groupe italien, il y a un petit peu d'accent du sud. Et donc c'est un anglais revisité comme diraient les anglais. Photo of Ghost. Si tu pouvais me permettre, je voudrais préciser que la semaine prochaine, ceux qui écoutent activement l'émission de poésie la retrouveront à la même heure, horaire habituel, ça n'a pas changé, c'est exceptionnel cette semaine. Voilà. D'accord. Donc, Photo of Ghost. Black roses laced with silver by a broken moon, 10 million stars and the whispered harmonies of leaves. We were these. Beside a dried up fontain lie 5 dusty tomes with faded pasted pictures of love's reverie. Across each cover is written, herein are photos of ghosts, of ghosts, of ghosts, of the day we ran and the days we sang. Voilà donc la version en anglais de Photo d'esprit, Photo d'âme, telle qu'elle est chantée par ce groupe italien PFM. On va enclencher tout de suite maintenant avec la musique, avec Eden Taste. Alors Eden Taste, un goût d'Eden, tiens, un titre encore très poétique. C'est un groupe allemand qui a sorti en 1983 un superbe album. Alors attention les oreilles, au titre Mellenstein. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je pense qu'Eric nous le traduira tout à l'heure. Et on va écouter le troisième titre de cet album, qui est lui aussi disponible chez Musea. Je dis ça pas pour faire de la publicité, mais pour pas qu'on dise qu'on passe des choses introuvables et qu'on a un tempérament un peu élitiste. Donc, Eden Taste, tout de suite, groupe allemand, 83. Die Hoffnung, der Friede, der Mut, die Liebe. Dort wohnt die Angst, der Hass, der Stolz, die Lüge, die Sucht nach Macht. Doch nicht weit davon, ein Leben lang. Kraft ihn zu verstehen, verzage, bis meine Kraft verrinnt, nur Zeit, bis sie vergeht. Gott, das Glück, die Sonne. Ein Himmel voll, ein Lichtermeer. Classé 8e au Grand Prix de la pop musique française, voici Ange. Connaissez-vous l'histoire du vieux de la montagne, cerveau de charbon noir, regard en ciel de bagne, métamorphose. Métamorphose. Métamorphose, tu viens et tu m'aimes. Nourrisse ces guerriers, une confiture diabolique. Elle avait le secret de visions fantastiques, métamorphose. Métamorphose. Métamorphose de l'homme. We'll be right back. image nauséabonde sous un ciel d'une larme. Image nauséabonde sous un ciel du bas. Chienne en chaleur, flairant les calimaux, tels furent les hachas du vieux de la montagne. Tels furent les hachas du vieux de la montagne. Aïe aïe aïe, un morceau inédit d'Ange, s'il vous plaît, 2,72 sur la compilation Introuvable, c'est une pièce de musée demandée aux collectionneurs. Groovy Pop Session, sur cette compilation, on trouvait également, enregistré au Golfe de Rouault, le premier morceau de Pulsar. Aïe aïe aïe, on va continuer encore avec un autre inédit, s'il vous plaît, de Genesis et avec Peter Gabriel. Ça date de 1973, donc un an après, ça s'intitule Twilight Ale House. Radio Brume, il est 21h39, vous êtes à l'écoute de Bande à Part et on va tout de suite continuer notre émission avec, comme vous l'a présenté Thierry à l'instant, Genesis avec un inédit de quelle année ? 73 voilà. Is it really true what they're saying? Are you really sure there's nobody come for me? When I'm walking home, there is no one. Once there was a house and a laughter so warm. Trying to pretend there is someone, someone who will care when I need it. I will now receive my comfort conjured by the side. There is nowhere. Children follow me with their laughter. So cold. Casting just a glance at the churchyard, casting just a glance at my painted female friend. Now I'm on my way, I am falling. Got to find some help. Ooh, I need that now. So I will receive my comfort. Conjured by love. Just a drink to take my sorrow. Just a drink and you'll have love tomorrow. Vous écoutez Radio Brume 95.5 FM avec Bande à part, l'émission du rock progressif. Il y a tellement de choses à voir et à savoir qu'on en créa un Minitel. ...3615, code Brume FM. Non mais c'est complètement dingue, qu'est-ce que c'est cette musique qui passe ici? Oh toi là, le compère, la loup, tu sais? Eh oui, on a entendu Genesis et maintenant on va entendre quelque chose d'encore plus délirant. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? On va entendre New Music. New Music, c'est de la New Wave. Non mais ça va pas. Si, mais qui a fait du rock progressif en 81 et il a fait aussi deux autres albums superbes. Eh ben alors fais-moi écouter ça, Lolo.